La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Bonjour et bienvenue dans la tête au carré. Au cours des deux derniers siècles, le nombre d'êtres humains sur Terre a explosé. Nous sommes aujourd'hui 7,7 milliards à la surface du globe et les démographes sont formels, la population mondiale va continuer à croître. Mais jusqu'à quand exactement? Faut-il craindre la surpopulation? Le vieillissement observé est-il une menace? Et les migrations vont-elles se développer? On s'intéresse à l'avenir de la population mondiale cet après-midi avec le démographe Gilles Pison. Il va nous dire de quels outils les scientifiques disposent pour suivre et prévoir les évolutions de la population. Et nous verrons les grandes tendances qui se dégagent de leurs études pour les décennies à venir. La une de la science avec Héloïse Rambert. Bonjour Héloïse. Bonjour Daniel. Aujourd'hui, on revient sur le succès de la sonde Hayabusa 2 qui a réussi à prélever des échantillons à la surface de l'astéroïde Ryugu. Oui, l'opération a réussi ce vendredi dans une vraie euphorie pour les scientifiques tant la mission était délicate. On en parle tout de suite avec un membre français de l'équipe qui était au cœur de l'événement. Voilà pour le sommaire de cette tête au carré réalisée par Fanny Beauhuon et préparée par Mathieu Aoued. La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé. Bonjour Gilles Pison. Bonjour. Vous êtes démographe et vous publiez l'Atlas de la population mondiale aux éditions Autrement. Quel est le pays le plus peuplé aujourd'hui à la surface du globe? On estime que c'est la Chine, 1,4 milliard d'habitants, mais l'Inde est juste derrière. Donc, probablement va rattraper puis doubler la Chine. Ouais, ce qui prouve bien que la démographie est en perpétuelle évolution et qu'il y a la population mondiale, mais que localement, les évolutions diffèrent. Exactement, il y a un contraste dans la situation des différents pays. Et puis, d'une année à l'autre, il y a des évolutions. Et en plus, de nouvelles données issues de recensements d'enquêtes remettent en cause certains chiffres que l'on pensait sûrs. Et donc, on revoit aussi les chiffres à l'occasion de chaque recensement. Les démographes revoient leurs copies. Hein. Ce n'est pas une science figée. Hein. Et voilà. Et donc, si on revient 50 ans en arrière, les idées que l'on se faisait, que se faisaient les démographes de l'époque, sont très différentes de celles d'aujourd'hui. On aura l'occasion d'ailleurs d'en avoir un exemple dans cette émission, dans la suite de cette émission. Et alors, le continent qui est encore aujourd'hui en plein boom, c'est l'Afrique? Oui, certainement. Oui. Et donc, l'Afrique, ça rassemble un habitant de la planète sur 6. En 2050, on estime qu'il en rassemblera 1 sur 4 et probablement plus d'1 sur 3 à la fin du siècle. Mais ouais. Ça, c'est plus hypothétique, hein, puisque ouais. C'est un peu plus lointain. C'est ça. Plus on s'éloigne dans le temps et plus les prévisions sont incertaines, on peut le Alors, dire comme ça. Alors, on peut faire toujours des calculs en allant très loin. Mais c'est vrai que la probabilité de réalisation diminue. Ouais. Et alors, en ce qui concerne l'Europe, là, la population est stable. On peut dire qu'elle décroît même, où on en est exactement dans notre continent? Alors, il y a plus de décès que de naissances chaque année, mais ce déficit est plus que compensé par l'apport migratoire, c'est-à-dire l'excédent des immigrés sur les émigrés. Et donc, au total, pour l'instant, la population, au moins de l'Union européenne, continue d'augmenter, mais très lentement. Au fond, les trois grands défis auxquels l'humanité va être confrontée dans les prochaines décennies, on y est déjà un peu, c'est cette croissance démographique, hein, cette augmentation de population qui n'est pas prête de s'arrêter, le vieillissement de la population et puis aussi les migrations à venir. Ce sont les trois plus grands défis pour le démographe que vous êtes. Oui, et puis c'est ces trois sujets qui font peur pour partie à beaucoup d'entre nous. Hein. Mm-hmm. Alors, il faut faire la part dans ce qui va se passer de ce qui est à peu près certain et puis de ce qui est plus hypothétique. Hein. Évolution démographique, vieillissement et migration, on s'intéresse à l'avenir de la population mondiale dans la tête au carré cet après-midi. Et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Aujourd'hui, la main de l'humanité a atteint un nouvel astéroïde. La sonde spatiale Hayabusa 2 a mené une opération de collecte de particules provenant de Ryugu. La fierté de Yuichi Tsuda, chef de la mission Hayabusa 2, aujourd'hui à la une de la science. Il faut dire que la mission en question est ambitieuse, Héloïse. Oui, Daniel, c'est un véritable travail d'orfèvre qu'a réalisé l'équipe scientifique. Alors, Hayabusa 2, c'est cette sonde japonaise qui était partie fin 2014 de la Terre en direction de l'astéroïde Ryugu, qui lui se trouve à tout de même plus de 300 millions de kilomètres de la Terre. Vendredi, elle a réussi à mener à bien une très difficile opération de prélèvement d'échantillons à la surface de l'astéroïde. On est au téléphone avec Patrick Michel, qui est membre de l'équipe scientifique de la mission. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors vous étiez dans la salle des opérations au moment où la sonde a touché la surface. On imagine que ça a dû être un moment d'émotion pour vous et pour vos collègues. Ah oui, c'est des moments absolument extraordinaires. C'est fou. Enfin, j'ai du mal à m'en remettre, à revenir sur Terre. Et c'est vrai que c'est un message que je veux donner aux jeunes. Ayez le goût du défi, ayez le goût pour la connaissance, la curiosité. Ça vaut tous les antidépresseurs et les boissons énergisantes. Après ça, on est heureux à vie. Ça s'entend que vous êtes encore heureux. Alors, en pratique, la sonde a lancé un projectile sur l'astéroïde. C'était le but de l'opération. Ça s'est passé très vite. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, en fait, ça s'est passé très vite la récolte elle-même, mais ça a pris du temps pour atterrir sur cet astéroïde, puisque c'est un tout petit corps, 900 mètres de diamètre, donc il attire pas, il a pas d'attraction quasiment. Donc on a commencé la descente le 21 février, le jeudi matin, doucement. Alors il y a eu quelques petits problèmes au début, il a fallu corriger la trajectoire, enfin bon, il faut que je la fasse courte, mais ça a été assez difficile. Il y a eu des frayeurs sur la descente, est-ce que vous le dites quand ah, même? Ah oui, non, il y a eu des frayeurs. Ah ben ça, c'était au début, j'ai même cru que ça allait être annulé. Parce qu'en fait, on avait un problème avec le logiciel de navigation et il a fallu que les ingénieurs japonais réécrivent une partie du logiciel, le renvoient, sachant que ça met quand même 19 minutes pour envoyer des informations, on a 300 millions de kilomètres, ça a retardé de 5 heures en fait la descente, ce qui fait que on a dû accélérer la sonde pour qu'elle rattrape le temps perdu, donc c'est quand même des manips assez sensibles. On est à 300 millions de kilomètres, on n'en voit pas vraiment la sonde avec les yeux, bien sûr, donc c'est très délicat. Et puis finalement, on a réussi à descendre comme ça, et sachant qu'il fallait viser une petite zone de 6 mètres de large. Oui. Alors qu'au départ, la précision à l'atterrissage était de 100 mètres, et ce sont les Japonais qui, pendant les derniers mois, ont fait des efforts mais extraordinaires pour revoir complètement leur stratégie de descente et s'adapter à l'environnement, parce qu'en fait c'est un objet qui est plein de rochers, il y a des rochers de partout. Et ça, c'est quelque chose auquel on s'attendait pas, parce que comme il n'y a pas de gravité, on s'attend à ce qu'il y ait très peu de choses sur la surface. Et en fait, il y avait des rochers de partout. On a fini par trouver une petite zone, et c'est ça qu'on a visé et qu'on a atteint. Donc, le 22 février, la sonde s'est posée en quelques secondes. Elle a tiré un tout petit projectile dans un espèce de cône, et ce projectile a tapé, et on espère avoir récolté de la poussière par ce mécanisme-là, et elle est remontée ensuite. C'est ça, vous dites, vous espérez, parce que vous n'êtes pas sûr à 100% qu'il y a vraiment eu des récoltes de poussière? Voilà, il n'y a pas de balance dans la sonde, il n'y a pas non plus de caméra qui peut voir si on a eu de la poussière. Bon, simplement, on a quand même des images après la récolte qui sont en train d'arriver et qui nous donnent bon espoir qu'on a pris quelque chose. Mais c'est vrai qu'on ne le saura de manière sûre que lorsque la capsule qui contient les échantillons reviendra sur Terre en décembre 2020. Pour qu'on ait une idée un peu précise du dispositif, il faut voir en tout cas les dessins, les vues d'artistes de cette opération. C'est une sorte de trompe, comme un petit moustique qui vient avec sa trompe au niveau de l'astéroïde et qui, à l'intérieur de la trompe, envoie un projectile. Et en fait, c'est la poussière soulevée par l'impact que la trompe a essayé d'aspirer, en quelque sorte. Exactement. En fait, le problème qu'on a sur ces objets-là, c'est que comme ils ne nous attirent pas, on ne peut pas se poser comme sur Terre. Par exemple, si moi je vais sur une plage et que je commence à creuser avec une pelle, la force quand je pousse est compensée par l'attraction de la Terre. Sur un astéroïde, si je creuse, ben je monte, parce que je suis pas attiré. Donc il faudrait que je m'accroche. Or, s'accrocher, ça veut dire concevoir quelque chose pour s'accrocher. Et comme avant d'aller sur cet astéroïde, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on veut éviter d'avoir à faire trop d'hypothèses pour devoir récolter, parce qu'on a une probabilité de se planter très grande. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle en anglais du touch and go, ça veut dire je touche et je m'en vais. Donc le plus rapidement possible, sans se poser, sans avoir à atterrir, on veut pouvoir récolter des échantillons. D'où cette idée d'avoir effectivement cette espèce de trompe comme un moustique, qui fait à peu près 70 cm de hauteur, et qui, une fois qu'elle touche le sol, ça déclenche un petit projectile qui part d'en haut, qui à 300 mètres par seconde, qui tape, et comme il n'y a pas de gravité, ben, quand on a tapé, les poussières dues au cratère qui est fait par ce petit projectile remontent dans ce cône. Mais simplement, évidemment, si la surface est très molle, comme de la pâte à modeler, mon projectile va s'enfoncer, il n'y a rien qui va sortir. Donc il y a toujours une petite incertitude, parce que on ne sait pas ce sur quoi on tape. Il y a une part d'aléatoire. Il y a une part d'aléatoire. Héloïse. Et pourquoi vous voulez absolument avoir ces échantillons d'astéroïdes? Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, scientifiques? Parce qu'on ne sait vraiment pas comment ces astéroïdes sont constitués, de quoi ils sont faits. Oui, alors là, on a choisi un objet qui est potentiellement riche en carbone et qui est ce qu'on appelle primitif, c'est-à-dire qu'on pense qu'il a gardé la mémoire de la composition initiale du système solaire. Donc notre idée, c'est d'essayer de remonter le temps, de retracer cette histoire du système solaire depuis sa formation jusqu'à la formation des planètes et voire même jusqu'à l'émergence de la vie sur Terre. Alors maintenant, on est surpeuplé, mais au début, la Terre, elle a commencé avec rien. Il n'y avait que de la matière et on pense que ce sont les astéroïdes qui ont pu apporter l'eau et les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Mais ça, ce sont des scénarios théoriques et on voudrait pouvoir le vérifier en ramenant cette matière précieuse qui contient peut-être cette information-là. Donc en fait, c'est remonter le temps jusqu'à nos origines. Et est-ce qu'il y a d'autres opérations prévues pour Hayabusa 2 ou elle va rentrer sagement à la maison maintenant? Ah ben écoutez, on n'est pas fou pour rien, hein, il faut aller à fond. Donc on a commencé avec ça, ce qui était une... Alors ce que je voudrais dire, c'est que ce sont des opérations extrêmement compliquées. Et on s'en rend compte quand on est dans la salle d'opération. Sinon, on a l'impression, comme tout s'est bien passé, que c'est facile, que c'est érodé. Non, c'est extrêmement compliqué. Le spatial, c'est compliqué. Donc pour moi, c'est un miracle ce qui s'est passé. Et pourtant, on va pas s'arrêter là, puisque dans un mois, on va... Alors on parlait d'un projectile là, mais c'était un petit projectile de 5 grammes hein, qu'on m'a envoyé. Cette fois-ci, on va déployer une petite boîte hors de la sonde, et la sonde va aller se mettre derrière l'astéroïde pour se protéger, et cette boîte va exploser pour donner de l'énergie cinétique, donc de la vitesse, à un projectile, cette fois-ci de 2 kg, qui va taper à 7200 km/h à la surface de l'astéroïde pour produire un cratère. Mmh. Et ce qu'on voudrait, c'est déjà comprendre cette physique de la cratérisation, et donc vérifier nos estimations de taille de cratère, mais ensuite aller à l'intérieur du cratère ou à proximité pour récolter un autre échantillon, ce qui nous permettrait d'avoir un échantillon de la surface, le premier qu'on a pris vendredi, et un échantillon de la sous-surface pour comparer l'effet de la radiation solaire, etc. Eh bien, ça paraît de la science-fiction, mais c'est vraiment, on va vraiment faire ça. C'est formidable. On sent tout votre enthousiasme et on vous souhaite effectivement que la deuxième étape marche également. Merci à vous, Patrick Michel. On vous souhaite donc bonne chance pour la suite. On aura l'occasion certainement de reprendre des nouvelles de cette mission assez extraordinaire. Et merci Héloïse, à demain. À demain. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, met en garde sur le risque de pénurie alimentaire. Dans un rapport, elle présente des preuves de plus en plus tangibles que la biodiversité qui sous-tend nos systèmes alimentaires s'appauvrit, menaçant gravement l'avenir de nos moyens de subsistance, de notre santé et de notre environnement. Une fois perdue, prévient le rapport, la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture ne pourra plus être récupérée. Des orques et des belugas sèment la zizanie au plus haut niveau de l'État russe. La diffusion de photographies de dizaines de ces animaux entassés dans des petits bassins à Nakhodka, une ville de l'extrême-orient russe, a provoqué une vague de protestations dans le pays. Ces mammifères marins étaient destinés à des aquariums et parcs à thème au-delà des frontières russes. La Russie est le seul pays où ils peuvent être capturés à des fins dites pédagogiques, une faille juridique utilisée par les trafiquants. Vladimir Poutine a ordonné au parquet de vérifier la légalité de la captivité des cétacés et a sommé les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture en désaccord sur le sort à réserver aux animaux de trouver un terrain d'entente avant le 1er mars. Quel temps fait-il sur Mars? Il y a peu de chances que vous vous posiez la question le matin au moment de vous habiller. Mais sachez pourtant que l'information est à portée de main. La sonde InSight prend des mesures météorologiques quotidiennes sur la surface de la planète rouge. Des bulletins météo disponibles sur le site dédié de la NASA rendent compte de la température de l'air, la vitesse du vent ainsi que de la pression atmosphérique. Sachez donc qu'il a fait frais la semaine dernière sur Mars. Les températures sont tombées à moins 95 degrés sans dépasser un petit moins 12 degrés. Dans un instant, on s'intéresse à l'évolution démographique de la population mondiale dans la tête au carré. C'était To Be, Fox Warren sur France Inter. Tribune de Paris. La population du globe ne cesse de s'accroître. Où nous mène cette conjoncture? Quel peut en être le remède? La tête au carré. Daniel Fievé. On s'intéressait déjà en 1949 dans la Tribune de Paris à l'évolution de la population mondiale et on s'y intéresse aujourd'hui dans la tête au carré avec le démographe Gilles Pison, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, chercheur associé à l'INED. Vous signez, Gilles Pison, une nouvelle édition de l'Atlas de la population mondiale qui vient donc de paraître aux éditions Autrement. Aujourd'hui, 7,7 milliards d'êtres humains peuplent la Terre. Alors, on va le voir, hein, pas de façon homogène à la surface du globe. Mais déjà, quelle fiabilité sur ce chiffre? C'est une estimation, naturellement, quand on dit 7,7 milliards, c'est plus ou moins combien? Alors, c'est une estimation, vous avez raison. Alors, le plus curieux, c'est pas qu'on soit 7 milliards ou près de 8 milliards, hein, mais c'est qu'on le sache. Ouais. Et cela vient des recensements qui sont organisés partout sur la planète régulièrement. Alors c'est nouveau, des recensements, il n'y en avait pas partout jusqu'à il y a 40-50 ans. Oui. Une partie des pays qui n'avaient jamais eu de recensement digne de ce nom. Mmh. Donc là, On sait combien nous sommes d'humains. Alors, avec la précision, peut-être 1 ou 2%, c'est-à-dire peut-être autour de 100 millions d'habitants. Donc, on est peut-être 100 millions de plus, 100 millions de moins. Ce qui est plus assez précis, c'est aussi la tendance. Et là, on se trompe peu quand on dit que la population augmente à un rythme d'un peu plus de 1% par an. Oui. C'est beaucoup ou pas, alors, une augmentation de 1% par an ? Alors, ça correspond à un doublement de la population, si ce taux se maintient, pendant 65 ans, ah oui. Au cours de 65 ans. Alors, c'est à la fois beaucoup et peu. En tout cas, c'est moins qu'il y a 50 ans. Donc, si on retrace l'histoire de la population mondiale, elle a augmenté à partir, en gros, d'il y a 2 siècles. On était 1 milliard sur la planète et elle a commencé à augmenter et de plus en plus rapidement jusqu'à atteindre une vitesse d'accroissement maximale il y a 50 ans, dans les années 60, à plus de 2% par an. Alors, vous dites il y a 200 ans, mais les démographes s'intéressent, sont même capables de remonter encore plus loin dans le temps. Et ce qui est étonnant, ou en tout cas, ce qui mérite une explication, c'est que si on remonte 2000 ans en arrière, pendant longtemps, la population mondiale est restée à peu près stable, hein, si je ne me trompe pas, entre il y a 2000 ans et il y a 250 ans, on avait une population à peu près stable. Oui, alors les chiffres sont incertains pour évidemment, il y a encore 2000 plus. Ans, ouais. Donc on estime on était peut-être 250 millions d'humains sur Terre, peut-être le double, peut-être la 250 moitié. 250 millions hein. Sur Terre. Oui, c'est l'estimation moyenne, ouais. Mais c'est assez imprécis. Mais ce que vous disiez est à peu près sûr, c'est que pendant les presque 2 millénaires qui ont suivi, la population n'a guère changé. Alors elle a augmenté à un rythme de quelques pourcents par siècle, ouais. Et non pas par an. Ouais. Et donc, c'est cette lente croissance qui l'a amené à 1 milliard, mais qui était due à une espèce d'équilibre entre les naissances et les décès. Ouais. Et alors, il y a 200 ans, donc, 1 milliard d'humains sur Terre, et aujourd'hui, nous sommes 7,7 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 2 derniers siècles pour qu'une telle révolution démographique s'opère ? Alors, vous faites bien d'utiliser ce mot « révolution ». Alors, les démographes parlent de transition démographique plutôt que de révolution. Mais il y a 100 ans, Adolphe Landry, un Français, parlait de révolution démographique. Ouais. Il est arrivé au cours des 2 siècles 2 phénomènes. D'abord, une baisse de la mortalité, notamment de la mortalité chez les enfants. Mais c'était il y a 2 siècles, un peu plus de 2 siècles, et en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Donc la mortalité infantile se met à diminuer grâce au premier progrès de l'hygiène et de la médecine. Le premier vaccin a été inventé il y a plus de 2 siècles, le vaccin contre la variole. Et il y a eu aussi les progrès socio-économiques dans ces régions, Europe de l'Ouest et Amérique du Nord, qui ont fait baisser la mortalité. Donc, baisse de la mortalité, premier phénomène, qui a entraîné le début de cette croissance démographique rapide. Et puis, un deuxième phénomène qui est arrivé plus tard, c'est la diminution de la taille des familles. En tout cas, la diminution de ce qu'on appelle la fécondité, le nombre d'enfants que les femmes mettent au monde en moyenne. Donc, jusqu'à il y a 2 siècles, les femmes partout sur la planète, mettaient au monde 5, 6 enfants en moyenne chacune. Alors la majorité d'entre eux mouraient en bas âge, il n'en restait que 2 qui arrivaient à l'âge adulte et qui remplaçaient les enfants, les parents, et d'où cet équilibre entre naissance et décès. Mmh. Et donc, baisse de la mortalité, puis un peu plus tard, baisse de la fécondité par contrôle par les familles du nombre d'enfants. Et du coup, ces 2 changements, ce que les démographes appellent la transition démographique, sont une véritable révolution et ils ont entraîné une modification complète de la population mondiale. Et si aujourd'hui la croissance, vous avez dit la croissance diminue, c'est-à-dire que la population mondiale continue d'augmenter mais moins vite, en quelque sorte, c'est lié au fait justement qu'aujourd'hui les femmes font moins d'enfants, on compte moins d'enfants par femme globalement en moyenne à l'échelle de la planète. Oui, en moyenne, les femmes sur la planète ont 2,5 enfants chacune, alors qu'il y a 50 ans, c'était le double, 5 enfants. Et la tendance se poursuit à avoir de moins en moins d'enfants partout, pratiquement. Alors, cette décélération, les démographes l'avaient-ils vu venir ? Je vous propose d'écouter les prévisions concernant l'évolution de la population mondiale données par le professeur d'anthropologie Raoul Hartweg. Nous sommes en 1968. Nous sommes à l'heure actuelle à un peu moins de 3 milliards d'hommes sur la Terre, mais les démographes ont pu calculer que vers l'an 2000, c'est-à-dire dans 30 ans d'ici, il y aura sur la Terre 6 milliards d'hommes. En 2025, il y aura 12 milliards. En 2050, il y aura 24 milliards. En 2100, il y aura à peu près 96 milliards d'hommes. Et si l'on continue ce calcul, qui n'est pas du tout une plaisanterie, on peut calculer que, aux alentours de l'an 3000, il y aura sensiblement 1500 habitants par mètre carré, ce qui est par conséquent absurde, et ce qui prouve que nécessairement l'humanité ou bien aura dû trouver des moyens de freinage de son expansion, ou bien alors aura définitivement disparu. Donc l'anthropologue Raoul Hartweg, en 1968, je le rappelle, alors il dit « ce n'est pas une plaisanterie, pourtant ça a l'air de vous amuser, Gilles Pison ». On sait aujourd'hui que les projections qu'il donne sont plus du tout d'actualité. Oui, et même il y a 50 ans, la plupart des démographes n'annonçaient pas les chiffres qui étaient annoncés. Donc il n'avait peut-être pas une totale connaissance des projections démographiques de l'époque. Alors, ces projections annonçaient 6 milliards d'humains en 2000. Oui, ça il le dit, alors, ça c'est juste. Et ça, c'est ce qui s'est réalisé. Alors, c'est étonnant. Parce que cette annonce de 6 milliards d'humains, elle a été faite dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin, dès les années 1950, quand la division de la population a été créée aux Nations Unies, nouvellement créée en 1948, donc qui s'est dotée d'une division de la population. Et les premières projections faites par cette division de la population des Nations Unies, eh bien, ont annoncé 6 milliards. Donc, c'est un grand succès des démographes et des projections des démographes. Alors, au-delà, on voit que ça ne s'est pas réalisé. Après, mais ça devient fantaisiste. Déjà, les démographes, dans les années 50 et 60, n'annonçaient pas les chiffres là, qui viennent d'être appelés, parce qu'on avait en tête ce modèle de la transition démographique où on retrouve à terme, après cette révolution, un équilibre démographique, les familles ayant peu d'enfants, deux en moyenne chacune, et tous ces enfants échappant à la mort pendant l'enfance, donc arrivant à l'âge adulte. Donc on se retrouve avec deux enfants qui remplacent les parents. Pour les démographes aujourd'hui, l'estimation pour 2050, on serait combien d'êtres humains à la surface du globe en 2050 ? Alors, la projection moyenne des Nations Unies, c'est autour de 10 milliards. Voilà. Alors, pour les démographes, c'est relativement proche. C'est demain. Ouais. On est pratiquement en 2020, là, donc 2050, c'est 30 ans, c'est une génération. Ouais. Et pourquoi on peut annoncer ce chiffre avec une relative solidité, c'est que la majorité des humains qui vivront en 2050, ils sont déjà nés. Parmi les presque 8 milliards que nous sommes, on peut estimer la part qui ne seront plus en vie en 2050. Et on peut aussi estimer le nombre de nouveau-nés qui viendront sur Terre dans les 30 prochaines années. Parce que les femmes qui mettront au monde des enfants au cours des 30 prochaines années, elles sont déjà nées. On sait combien elles sont. On peut faire des hypothèses sur le nombre d'enfants qu'elles mettront. Donc, c'est relativement solide. En tout cas, on ne sera pas moins nombreux qu'aujourd'hui. Oui. C'est sauf pratiquement catastrophe majeure. Oui, si une météorite de la taille de celle qui est tombée il y a un peu plus de 60 millions d'années, qui a contribué à la fin de l'ère secondaire, la disparition des dinosaures qui est tombée dans le Yucatan au Mexique, un même événement arrivait, probablement ça changerait pas mal les choses. Mais c'est tellement peu probable que... Voilà. Autre évolution notable de la population mondiale, son vieillissement avec de grandes disparités selon les pays. Nous allons en parler dans un instant et puis vous répondrez, Gilles Pison, aux questions qui arrivent sur franceinter.fr. Pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, mon mari, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la japonaise. La javanaise, reprise par Madeleine Perroux sur France Inter. La tête au carré sur France Inter. Le démographe Gilles Pison est l'invité de la tête au carré cet après-midi à l'occasion de la réédition de son atlas de la population mondiale aux éditions Autrement. Et les questions d'auditeurs commencent à arriver pour vous, Gilles Pison. Il y a Thierry qui vous demande sur la page de l'émission « Depuis l'origine de l'humanité, combien de générations se sont-elles renouvelées et combien d'humains au total cela représente-t-il ? Combien d'hommes et de femmes ont vécu sur Terre ? Est-ce qu'on le sait ça ?» Alors, on ne le sait pas exactement, mais on fait des estimations. Moi-même ai fait une estimation. Alors, on trouve à peu près tous des chiffres autour de 80 milliards d'êtres humains depuis que les humains existent. Alors, on estime que l'espèce humaine existe, comme elle est actuellement, depuis 300 000 ans. Alors, si on compte 30 ans par génération, vous voyez que ça fait donc 10 000 générations. Ouais. Hein, voilà. Et alors, le calcul de 80 milliards, bon, ce n'est pas le chiffre en lui-même qui est intéressant, mais on s'aperçoit qu'on est presque 8 milliards aujourd'hui. Mmh. Ça veut dire qu'on est une espèce dont un dixième des individus qui ont jamais existé de cette espèce, ils sont encore en vie, ils sont en vie. Donc c'est unique. Vous trouverez sans doute aucun autre exemple d'espèce vivante où vous avez une fraction non négligeable de l'ensemble des individus qui ont jamais existé qui est en vie à un moment. Et un quart de ces 80 milliards qui seraient nés depuis deux siècles. Oui, oui, ça montre effectivement cette transition démographique dont vous nous parliez en début d'émission. C'est l'un des grands défis de l'humanité. Il y a aussi cette idée du vieillissement, la population, du fait de la durée de l'allongement de la vie et puis de la baisse des natalités dont vous nous avez parlé. Ben, mathématiquement, la population vieillit. Dans quelle proportion, faites-nous prendre la mesure de la situation? Alors, il y a différents indicateurs pour caractériser l'état de vieillissement de la population. Alors, c'est vrai qu'on est habitué à utiliser la proportion de personnes de 60 ans ou plus, ou 65 ans ou plus. Alors, plus la durée de vie s'allonge, plus l'état de santé s'améliore. Donc, peut-être on va devoir changer les plus de 70 ans ou les plus de 75 ans. Hein. Mmh. Voilà, on n'a pas. Il y a aussi l'âge médian. C'est l'âge qui divise la population en deux parties numériquement égales. Les personnes qui sont plus jeunes et les personnes qui sont plus âgées. Oui. Et là aussi, ça, il est très différent cet âge médian si l'on est en Afrique ou si l'on vit en Europe. En Europe, par exemple, si j'ai bien retenu ma leçon, c'est 42 ans. 42 ans, c'est-à-dire que quand on a 42 ans, il y a 50% de la population qui est plus âgée que vous et 50% de la population qui est plus jeune. Et on pourrait presque dire, vous n'êtes ni jeune ni vieux, ouais, mais vous franchissez la barrière. On bascule de l'autre côté. Et je suis précisément dans ce cas-ci. L'âge médian est de 30 ans. Ah, voilà. Donc, ça veut dire que l'humanité est jeune, hein. Ouais. Et donc, la plupart, voilà, des gens qui vivent alors en France, ben, ils font partie des vieux pour à l'échelle de l'humanité. Ouais. Avec ça, si vous voulez, à 30 ans, si vous êtes en Afrique, vous faites partie du tiers le plus âgé, parce que l'âge médian en Afrique, c'est 19 ans. Ouais. 19 ans, ça veut dire que 50% voilà, de la population a moins de 19 ans, voilà, en Afrique. Donc, elle est extrêmement jeune. Extrêmement jeune. Et dans l'autre sens, si vous êtes en Europe et que vous avez toujours 30 ans, cet âge médian, ben vous faites partie du tiers le plus jeune. Ouais. Donc, ça montre bien que cette idée de vieux-jeune, c'est très relatif. Hein, tout dépend du groupe auquel vous appartenez. Mmh. L'espérance de vie continue à augmenter. Hein, aujourd'hui, on gagne 3 mois d'espérance de vie par an. Ça va continuer comme ça longtemps? Le démographe a un avis sur cette question? Alors, d'abord, ce rythme, c'est vrai que c'est une moyenne sur les 50 dernières années en France. Hein, mais il y a eu des périodes où il s'est ralenti. Donc dans les années 60-70, si on se posait la question, mais est-ce qu'on n'arrive pas aux limites? L'espérance de vie était bien plus faible qu'aujourd'hui. Mmh. Il se trouve que l'espérance de vie s'est remise à augmenter à un rythme assez soutenu dans les décennies qui ont suivi. Et depuis quelques années, on se repose la même question parce que les progrès de l'espérance de vie en France ralentissent. On a l'impression. Alors on se pose la question, bon, est-ce que ça vient seulement des épidémies de grippe saisonnière qui ont été particulièrement meurtrière ces dernières années, donc ça a un petit peu empêché l'espérance de vie de progresser, ou est-ce qu'il y a un ralentissement de fond? Et si oui, à quoi il tient? Donc ça, c'est pas si clair que ça, bon, faut un peu de recul, mais c'est vrai que depuis 50 ans, et même plus, l'espérance de vie a énormément augmenté. Il y a des populations, des pays dans lesquels le vieillissement semble s'accélérer, c'est-à-dire de moins en moins de naissances et la durée de vie qui s'allonge, donc à une population vieillissante. Oui, parce que la durée de vie s'allonge partout sur la planète, et y compris dans les pays où, qui connaissent la mortalité la plus forte encore, des pays africains, hein, mais la mortalité des enfants a beaucoup baissé, même si elle reste la plus élevée du monde. Résultat, l'espérance de vie a beaucoup progressé, donc c'est un phénomène mondial. Et c'est vrai que le vieillissement se produit partout à une vitesse qui varie, notamment, comme vous le disiez, selon la fécondité, le nombre d'enfants par femme. Et alors, la plupart des pays du Sud connaissent un vieillissement démographique beaucoup plus rapide que celui qu'ont connu les pays du Nord, parce que ces changements de la transition démographique s'y sont effectués beaucoup plus vite. Les deux changements, la mortalité a baissé beaucoup plus vite et aussi la fécondité. Et donc, des pays comme la Chine, comme l'Inde, voient leur population vieillir à l'égal de celle des pays du Nord. Oui. En Chine, on observe un vieillissement accéléré de la population. Les Chinois ont fait moins de bébés en 2017 et ce malgré la fin de la politique de l'enfant unique. Les chiffres officiels font état de plus de 17 230 000 naissances, soit environ 600 000 de moins que l'année précédente. Cette baisse serait due à la réduction du nombre de femmes en âge de procréer et à la volonté des Chinois d'avoir des enfants plus tardivement, précisent les autorités. Les Chinois qui pourraient être doublés à l'horizon 2030 par l'Inde, selon les prévisions de l'ONU. Pour faire face au vieillissement de sa population et à sa croissance économique, Pékin avait décidé fin 2015 de mettre fin à sa légendaire politique de l'enfant unique, autorisant ainsi les couples à avoir deux enfants. Extrait d'un reportage diffusé sur Euronews en janvier 2018. Alors, il est question de cette légendaire politique de l'enfant unique. Elle a eu un impact important sur la démographie chinoise, ou elle est justement un peu légendaire, cette politique? Eh bien, c'est un point de discussion. C'est vrai que spontanément, on pense que la politique de l'enfant unique, c'est elle qui est responsable de l'effondrement de la fécondité dans les années 70-80 en Chine. Mais probablement qu'elle a eu un rôle, mais beaucoup plus modeste. Il faut savoir que quand la politique de l'enfant unique a été instituée en Chine, c'était en 1976, déjà les Chinoises avaient beaucoup moins d'enfants. Elles avaient 3 enfants en moyenne chacune. Donc beaucoup moins que les 5-6 qu'elles avaient 15 ans auparavant. Mmh. Et donc la fécondité a baissé. Alors, peut-être en partie avec d'autres mesures de politique de limitation des naissances, mais pas la politique de l'enfant unique. Et puis surtout, elle a baissé parce que les Chinois et les Chinoises voulaient moins d'enfants. Il y avait un début de développement économique et, comme souvent on l'observe, c'est vrai dans tous les pays du monde, c'est associé avec un souhait d'avoir peu d'enfants, mais d'investir sur chacun d'eux pour qu'ils réussissent dans la vie, pour qu'ils fassent de bonnes études, qu'ils aient des diplômes. Et on ne peut pas investir sur les enfants quand vous en avez 5, 10. Ouais. Et donc, l'idée de que les enfants réussissent mieux que vous, ça veut dire en avoir peu. Ouais. Et la preuve en est, c'est que depuis 2015, où cette politique de l'enfant unique a été abandonnée, la natalité ne remonte pas, elle continue de baisser en Chine. Oui, alors ça ne veut pas dire que les Chinois et les Chinoises ne souhaitent pas avoir des enfants, mais ils rencontrent des difficultés, un peu comme dans les autres pays, un peu comme en Europe. Mmh. En France, la fécondité autour de 2 enfants par femme, c'est pas très loin de ce que souhaitent ou ce que disent souhaiter les personnes quand on les interroge. Hein. Mais 1,6 enfants, c'est sans doute moins que ce que les Chinoises et les Chinois souhaitent. Mmh. Mais ils ont des difficultés. Ils souhaitent aussi, et les Chinoises en particulier, terminer des études, avoir des diplômes, s'installer dans la vie avant d'avoir des enfants. Mmh. Et puis, ils souhaitent concilier travail et famille. Dans ces pays, avoir un enfant, ça veut souvent dire, pour une femme, arrêter de travailler pour s'occuper de l'enfant. Or ça, les jeunes générations n'en veulent pas, ou de moins en moins. Ils ne l'acceptent pas. Et du coup, ça les amène à repousser la naissance d'un enfant. Alors, il y a des pays où le taux de natalité est encore très élevé. C'est le cas du Niger, hein. 7,3 enfants par femme. Et d'ailleurs, Jean-Paul vous demande en question sur la page de l'émission, l'explosion démographique que connaissent certains pays africains n'a-t-elle pas atteint ses limites, par exemple le Niger? C'est-à-dire que là, on en est où dans la transition démographique de ces pays? Alors, tous les pays du monde, y compris les pays africains, ont connu une baisse sensible de la mortalité. Et donc la durée de vie s'est allongée. D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué cette croissance de la population. C'est parce que les enfants ont survécu en plus grand nombre. Alors, même si la mortalité des enfants reste élevée dans ces pays, mais elle a beaucoup baissé. Voilà. De son côté, la fécondité, le nombre d'enfants par femme, a baissé, mais depuis moins longtemps, depuis peu, et elle baisse, mais à un rythme qui est plus modeste, moins rapide que ce qu'on a observé il y a 50 ans en Asie ou en Amérique latine. Donc ça, c'est une surprise. On pensait que l'Afrique, bien sûr, elle connaîtrait les mêmes changements que les autres continents, mais avec retard, vu son retard dans le développement économique. Mais on pensait qu'une fois enclenché le phénomène de baisse de la fécondité, ça allait s'effectuer assez vite, comme on l'avait observé en Asie, en Amérique latine, et c'est pas le cas. Alors, ça veut pas dire que les choses ne bougent pas, au Niger comme dans les autres pays d'Afrique subsaharienne, mais elles s'effectuent de façon plus lente, pour l'instant, que ce qu'on avait observé ailleurs. 10 milliards d'humains en 2050, la Terre pourra-t-elle accueillir tout ce monde-là? Beaucoup de questions arrivent sur la page de l'émission dans ce sens. On va en discuter avec Gilles Pison, l'invité de la Tête au Carré cet après-midi. son boulot, son balance. Je voudrais qu'on se tire en vacances, mater des séries toute la nuit, sous réserve qu'il y ait du wifi. À nous les correspondances, vol de nuit sans turbulence. Je veux te voir tout dépenser, dans ces souvenirs à fabriquer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Compter les vagues se casser, sous réserve qu'il y ait des vagues. La vie c'est pas qu'une école, t'es même pressé quand tu picoles. Laisse de côté ton agenda pour passer du temps avec moi. J'écrirai le mot d'absence, convalescence, port de plaisance. Une vraie semaine pour s'arrêter, maintenant qu'on fait plus qu'avancer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit réveillé. Laissez le temps se défiler, y'a rien de mieux pour la santé. Je te regarderai t'habiller, puis on ira prendre un café. C'est pas des plans sur la comète, juste un instant sur la planète, pour oublier qu'il faudra rentrer si le vol est pas annulé. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Regardez les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit réveillé. C'était Séverin qui nous proposait En vacances. La tête au carré. Au cours des 50 dernières années, la population mondiale a doublé. Les Nations Unies prévoient qu'à la fin de la décennie, la population mondiale sera de 10 milliards d'individus. Trop d'individus. Pas assez de nourriture. Pour lutter contre la pénurie de nourriture, la Fédération européenne a confié l'avenir de la planète aux scientifiques. La nouvelle loi sur le quota d'enfants est un premier pas décisif pour préserver notre planète et bâtir un monde meilleur pour nos enfants. La nouvelle législation a été rapidement mise en œuvre. Des checkpoints quadrillent le pays. Tous les citoyens doivent porter un bracelet d'identification délivré par l'administration. Je sais qu'il y aura probablement des résistances, mais avec la loi sur l'enfant unique, je crois qu'on va gagner du temps. Extrait du film Seven Sisters dans la tête au carré, avec pour invité le démographe Gilles Pison, auteur de l'Atlas de la population mondiale aux éditions Autrement. Le spectre de la surpopulation a inspiré bon nombre de films de SF. On vient d'en avoir un aperçu. Il inquiète aussi, le spectre de la surpopulation, bon nombre de nos auditeurs. Christelle, sur la page de l'émission, nous dit 10 milliards en 2050. Quid des difficultés d'approvisionnement alimentaire dues au réchauffement et à la dégradation de la qualité des sols. Nous avons aussi ce message de Le Grain. L'accroissement de la démographie est-elle compatible avec la lutte contre le changement climatique et la raréfaction des ressources naturelles? Il y a comme ça 5 ou 6 messages que j'ai devant les yeux qui vont tous dans ce sens-là, Gilles Pison. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la surpopulation mondiale? Alors, j'utilise pas ce mot, surpopulation. C'est sûr que si les presque 8 milliards d'humains que nous sommes vivaient comme les Européens ou les Américains, ça ne durerait pas longtemps. On épuiserait très vite les ressources, le réchauffement climatique irait encore plus vite. Donc on sait que le mode de vie des pays du Nord, il n'est pas durable. Hein. Par ailleurs, on sait qu'on n'échappera pas à un surcroît de croissance démographique de 2 à 3 milliards d'habitants. Et l'arrêt de la croissance de la population ou à la diminution de la population tout de suite, ce n'est pas une option. Comment l'obtenir ? C'est pas une option. Francis vous dit sur la page de l'émission, pourquoi l'ONU n'a-t-elle pas alerté le monde depuis longtemps avec des messages pour limiter le nombre d'enfants par famille ? Les religions sont-elles un obstacle ? Vous demande Francis. Pour lui, il y aurait des mesures politiques à prendre. Vous vous dites, ça n'est pas une option. On ne peut pas politiquement régler ce problème ? Pas tout de suite, mais en tout cas. Mais si vous voulez, la baisse rapide de la fécondité, c'est une... elle est mise en œuvre, c'est déjà le cas. Ouais. En moyenne, les femmes en Asie ont 2,1 enfants chacune, c'est le seuil de remplacement. Les latino-américaines, moins de 2,1, 2,0. Les américaines et les canadiennes, 1,8. Les européennes, 1,6. Donc on est déjà dans la plupart des continents en dessous. Donc elle est déjà là, puisque les humains souhaitent avoir peu d'enfants, ouais, et investir sur chacun d'eux. Alors, même dans ces continents, Asie, Amérique latine, ça ne veut pas dire que la population s'est arrêtée d'augmenter, elle continue d'augmenter. Et à l'échelle mondiale, la fécondité a beaucoup baissé, 2,5 enfants par femme, mais la croissance démographique est encore très rapide. Ouais. Et pourquoi la population augmente si vite, il y a 3 fois plus de naissances que de décès? Eh bien, c'est parce que même avec une fécondité faible, il y a un reliquat de croissance. Même si toutes les femmes sur la planète n'avaient que 1,6 enfants en moyenne chacune, tout de suite, oui, comme les Chinoises, comme les Européennes, il n'en résulterait pas un arrêt de la croissance. Ce qui est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes adultes en âge d'avoir des enfants, même si chacune en a peu, ça fait encore beaucoup de naissances. Il y a cette notion d'inertie démographique. Hein, exactement, qui fait que même si on arrêtait complètement de faire des enfants tout de suite, eh bien, la population est lancée. Alors elle diminuerait, mais pas très vite, parce que même avec zéro naissance, eh bien, il y aurait très peu de décès, parce qu'il y a très peu de personnes âgées à l'échelle de la planète. Hein. Donc il y a peu de décès, et même les naissances qui surviennent aujourd'hui chez des couples qui n'en ont pas beaucoup d'enfants, eh bien, ça fait augmenter la population. Alors quels sont les différents scénarios envisagés par les démographes pour l'évolution de la population ? En gros, alors, ça augmente, on l'a compris en 2050, en 2100 ça augmente encore un peu, mais encore plus doucement. On arrive à un plateau, ensuite c'est la fin d'un pic, il y a une décrue. Enfin, quels sont les scénarios envisagés ? Oui, alors les démographes, donc ils vous annoncent 10 milliards en 2050. On va pas échapper à peut-être un peu moins, un petit peu plus. Hein. À plus long terme, il y a une incertitude. Tous les humains s'entendent pour avoir exactement le nombre d'enfants qui permet le remplacement. La population, après avoir atteint 10, 11 milliards, s'arrêterait d'augmenter et se stabiliserait. Mais il est possible que si la famille de très petite taille, comme en Europe, comme en Japon, comme en Corée, les femmes ont moins d'un enfant en moyenne chacune en Corée du Sud, si c'était le modèle dominant, ben après avoir atteint un maximum, la population se mettrait à diminuer, et cela continuellement jusqu'à l'extinction. Ça, c'est un scénario, mais c'est dans longtemps, hein, quelques siècles, quelques millénaires. Mais encore une fois, il faut se dire, on ne va pas échapper à encore un reliquat de croissance, mais qui est modeste, c'est 30% de population en plus par rapport à la multiplication par 8 au cours des 2 derniers siècles, donc il faut réaliser. Mais les défis sont là. Le défi climatique, le défi des ressources. Ouais. Et le défi des ressources, d'ailleurs, il est là depuis longtemps. Ça pose évidemment la question des ressources alimentaires. Sera-t-il possible de nourrir tout ce monde ? Et la question préoccupait déjà le célèbre auteur de romans d'anticipation, René Barjavel, en 1969. Nous nous trouvons actuellement devant une explosion démographique, enfin une courbe des naissances absolument fantastique, et il est probable que d'ici un siècle, il y a à peu près de 3 milliards d'hommes sur la Terre actuellement, il est probable que d'ici un siècle, il y en aura 20 milliards. Et il est certain qu'à ce moment-là, on ne pourra pas nourrir 20 milliards d'êtres humains avec la vache et avec les fruits et avec la salade. Parce que le cycle naturel de la nourriture sera trop lent. Il faut 3 ans pour fabriquer de la viande, pour fabriquer une vache. Il faut 1 saison pour fabriquer des légumes et des fruits. Ça ne sera plus possible, on ne pourra plus attendre. Donc, on fabriquera de la nourriture synthétique en usine, c'est certain. René Barjavel en 1969, il prédisait ça pour dans 100 ans. Hein, donc, on n'y est pas encore, ce serait pour dans une cinquantaine d'années. Vous êtes aussi pessimiste que lui, Gilles Pison ? Alors d'abord, sur son annonce de 20 milliards d'humains, oui, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt autour de 10, hein, peut-être un peu plus, un peu moins. Alors, c'est beaucoup, hein. Pour ce qui est de ce qu'on va manger demain, ben, quand même, on devrait pouvoir nourrir 10 milliards d'humains, aussi bien, voire plus que les 8 milliards d'aujourd'hui. Et le défi, en pesant moins sur les sols, sur les ressources, en eau, en ayant une agriculture durable. Alors, on voit bien que ce n'est pas en faisant des steaks. En revanche, c'est en mangeant sûrement moins de viande. Ouais. On voit bien que pour produire la viande, on consomme beaucoup d'eau, de ressources, d'énergie. Et donc, c'est un enseignement. On s'y dirige tout doucement. Et finalement, la question n'est pas tellement celle du nombre des humains, mais celle de leur mode de vie. Et on peut changer tout de suite les modes de vie. On ne peut pas arrêter la croissance. Merci Gilles Pison, ce sera la conclusion. Atlas de la population mondiale, si on veut en savoir plus, c'est votre ouvrage aux éditions Autrement. Dans un instant, Fabrice Drouel pour une nouvelle affaire sensible. Merci à Grégory Wallon qui était à la technique. Vous écoutez France Inter, il est 15h.